إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid, Sharh Kitab al-Tawhid, Sheikh Saleh al-Fawzan, al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. On est rendu au chapitre 2. باب فضل التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Donc c'est-à-dire le mérite du tawhid et ce qu'il expie comme péché ou ce qu'il efface comme péché. Et le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le verset 82 dans Surat Al-An'am. Cheikh il dit qawlillahi ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc ça c'est le verset 82 dans Sourate Al-An'am. Ça dit ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque injustice, c'est-à-dire comme le shirk, ici il s'agit du shirk. Ils n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque forme d'injustice, c'est-à-dire quelconque forme de shirk. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc, yani, on regarde maintenant, il y a un hadith qui est mentionné en note de bas de page ici par rapport à ce verset qui vient expliquer ce verset aussi que le cheikh a mentionné en note de bas de page. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Donc c'est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Lorsque le verset ceux qui ont cru et qui n'ont point recouvert ou troublé la pureté de leur foi par quelconque forme d'injustice, les sahaba sont venus voir le messager d'Allah. Ils ont dit ô messager d'Allah, lequel d'entre nous ne fait pas d'injustice à lui-même? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ce n'est pas comme ce que vous dites. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit et qu'ils n'ont point troublé, qu'ils n'ont point recouvert leur foi de quelconque forme d'injustice, il s'agit ici du shirk. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman lorsqu'il dit à son fils ô mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah, le shirk est certes la plus grande des injustices. Donc l'injustice dont il s'agit ici dans ce verset, c'est le shirk. Le shaykh il dit ensuite munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid lamma bayyana fi al-bab al-awwal wujub at-tawhid wa ma'nahu بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب لأجل الحث عليه والترغيب فيه. Donc le cheikh explique le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre de Kitab al-Tawhid. Et il explique que, étant donné que dans le chapitre 1, dans le premier chapitre, on a expliqué l'obligation du Tawhid ainsi que sa signification, donc dans ce chapitre maintenant, on va expliquer le mérite du Tawhid ainsi que ses effets bénéfiques et louables, ainsi que ses résultats qui sont des bons résultats, des conséquences qui sont positives et belles. Parmi ces conséquences et ces résultats, il y a le fait que nos péchés soient expiés, et effacés et pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le but de mentionner ces qualités, ou de mentionner ces mérites de Tawhid et ses effets, c'est dans le but d'inciter les gens à justement connaître le Tawhid et à l'appliquer, et de leur donner envie de le connaître et de leur donner envie de l'appliquer. Ensuite, le Cheikh il dit باب وهو لغة المدخل واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. Donc, le Cheikh explique ici que باب, ça signifie en arabe l'entrée, c'est une entrée. Et selon la terminologie, lorsqu'on l'utilise dans des livres, par exemple, en arabe, c'est pour déterminer un groupe de ou un ensemble de sciences qui sont réunies et qui sont souvent suivies de donc si on veut, on peut traduire le terme bab par chapitre. On peut dire que bab en arabe, ça équivaut à un chapitre. Et sous ce chapitre, il y a également des sous-chapitres et des points, différents points qui sont traités en général. Donc c'est ça, si on veut, la signification terminologique du terme qui est employé dans les livres. Quand on dit babun, c'est-à-dire qu'on va mentionner certaines sciences qui sont réunies ensemble par un thème et qui sont sous-divisées par la suite dans des, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, des fusul, qui est le pluriel du mot fasl. Fusul, qui est le pluriel du mot fasl. Et quand il y a un fasl, c'est un sous-chapitre, une division à l'intérieur d'un chapitre. Donc, c'est une division à l'intérieur d'un chapitre. Et des masa'il, c'est-à-dire le pluriel de mas'ala, c'est-à-dire des points ou des questions qui sont traités dans chacun de ces sous-chapitres. Ensuite, le cheikh explique, il dit yukaffir at-takfir fi al-lugha as-sitr wa at-taghtiyah wa shar'an mahwu adh-dhanb hatta yasira bi manzilati al-ma'dum. Donc, quand le cheikh il dit dans le titre fadl at-tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, ici ma yukaffiru, ça vient du mot takfir. Et takfir, c'est pas dans le sens de takfir, dans le sens de déclarer quelqu'un kafir ici. C'est dans le sens de takfir, c'est dans le sens de takfir al-dhunub wal-ma'asi, c'est-à-dire de faire en sorte que les péchés et les péchés et les désobéissances soient recouvertes et cachées. Donc, c'est takfir al-dhunub, c'est dans ce sens-là, dans le sens de recouvrir les péchés et les fautes, et non pas dans le sens du takfir, dans le sens de du kufr, dans le sens de la mécréance, ça c'est de déclarer mécréant. Ici c'est dans un autre sens plus particulier, et selon la charia, la définition selon la charia de takfir par rapport au contexte dans lequel il est utilisé par rapport au péché ici, c'est le fait justement d'effacer le péché lui-même pour qu'il devienne comme s'il était absent, comme s'il n'y en avait pas, c'est-à-dire pour faire en sorte que le péché soit effacé complètement. Min al-zunub min bayaniya wa laysat lit-tab'id wa al-zunub jam'u dhanbin wa huwa ma taqbahu 'aqibatuhu. Donc al-dhanb, al-zunub, il dit ma yukaffiru min al-dhunub dans le titre, ce que le tawhid vient expié parmi les péchés, comme péché. Zunub en arabe, c'est le pluriel du mot zamb. Zamb, ça veut dire péché. Le pluriel, c'est zunub. Et ici, minat zunub, c'est-à-dire parmi les péchés. D'accord? Parmi les péchés, et c'est pour expliquer que ça vient expier des péchés. Et ça expie tous les péchés. Le tawhid expie tous les péchés. Hein? Donc c'est pas pour restreindre une catégorie de péchés par rapport à une autre ici, mais c'est pour plutôt pour clarifier que yani, le tawhid expie les péchés, et c'est pour expliquer. Et quand on dit az-zunub en arabe, c'est pour désigner tout péché, c'est-à-dire toute chose qui a une conclusion ou une conséquence laide. Hein? Donc ça, c'est la définition qui est mentionnée ici par le cheikh. Et le cheikh explique ensuite, il dit, Alladhina, hein, il parle, maintenant il explique le verset, Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Donc là, il va expliquer cette partie. الذين آمنوا صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم ورأس ذلك التوحيد. C'est-à-dire ceux qui ont cru, quand on dit ceux qui ont cru ici, on parle de ceux qui ont reconnu de la véracité du message dans leur cœur et qui l'ont exprimé par leur langue et qui ont appliqué cette foi par leur corps, par les membres de leur corps. Et à la tête de cela, bien entendu, c'est d'appliquer le tawhid, c'est-à-dire de croire en la véracité du tawhid dans leur cœur, et de l'exprimer par leur langue, et d'appliquer le tawhid par les membres de leur corps, hein, parce que le tawhid, c'est la base de l'islam et la base de la foi. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ يُخَلِّطُوا تَوْحِيدَهُمْ. C'est-à-dire, quand Allah il dit, et ils n'ont pas recouvert leur foi ou troubler leur foi ou la pureté de leur foi. Ici, le cheikh explique que ça veut dire qu'ils n'ont pas mélangé leur tawhid avec quelconque forme d'injustice ou quelconque forme de shirk. Parce que le cheikh, il dit juste après, بِظُلْمٍ يَعْنِي بِشِرْكِ وَالظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَسُمِّيَ الشِّرْكُ ظُلْمًا لِأَنَّهُ وَضْعٌ لِلْعِبَادَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَصَرْفٌ لَهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا. Donc le cheikh explique ici, il dit بِظُلْمٍ, c'est-à-dire بِشِرْكِ, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas recouvert leur foi ou leur tawhid, ils ne l'ont pas mélangé avec quelconque forme de shirk. Et l'injustice, ça signifie, quand on dit zolm en arabe ou en français, c'est l'injustice, on utilise le terme injustice pour désigner zolm, le zolm en arabe. Et az-zolm, c'est quoi? C'est de mettre quelque chose autre qu'à sa place, c'est-à-dire de ne pas mettre quelque chose à la place où elle doit aller, hein? Ou de donner quelque chose à celui qui ne le mérite pas, ou de remettre quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas réellement. Donc, de mettre quelque chose à autre qu'à sa place réelle. Et c'est ça de l'injustice, en fait. Donc, on appelle le shirk de l'injustice ou du zulm. On dit que le shirk, c'est une forme de zulm. Pourquoi? Parce que c'est d'offrir, de mettre l'adoration à autre qu'à celui qui le mérite réellement. Et d'offrir à autre qu'à celui qui la mérite une forme quelconque d'adoration. Donc, celui qui offre une forme d'adoration quelconque à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis la plus grande forme d'injustice qui soit, puisque le plus grand des droits qui existent, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui offre à autre qu'Allah l'adoration, alors il a commis la plus grande forme d'injustice, hein, puisqu'il a donné l'adoration à celui qui ne mérite pas. Il a privé celui qui la méritait, hein, celui qui la mérite de cette adoration-là. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit Al-Amn, hein, parce qu'à la fin du verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas, il y a ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé, mélangé leur tawhid ou leur foi par quelconque forme d'injustice, hein, ou de shirk, ceux-là auront la Al-Amn. En arabe, al-amn, ça veut dire la sécurité, la sérénité, la tranquillité. Et le cheikh, il le traduit ici en disant, طَمَأْنِينَةُ النَّفْسِ وَزَوَالُ الْخَوْفِ, c'est-à-dire la paix de l'âme, la sérénité, la tranquillité de l'âme, et que sa crainte ou sa peur est enlevée. Il n'aura pas de peur. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, et مُوَفَّقُونَ لِلسَّيْرِ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ثَابِتُونَ عَلَيْهِ, c'est-à-dire qu'ils seront bien guidés, c'est-à-dire ils vont être muhtadoun, qui vient de huda. Hein? Donc, al-hidayah, c'est la guidance, et al-huda, c'est la guidance aussi, et al-hadi, des fois on dit aussi, al-hadi, c'est aussi la guidance, et muhtadoun, muhtad, c'est celui qui est guidé. Muhtad, c'est celui qui reçoit al-hidayah. Et ici, muhtadoun, c'est le pluriel. Muhtadoun, c'est-à-dire ceux qui sont sur al-huda, hein, ceux qui sont guidés. Donc, ici, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le tawfiq de marcher et de suivre le droit chemin, et de rester ferme sur le droit chemin. Donc, c'est ça la signification. Et après, le shaykh dit, al-ma'na al-ijmali lil-aya, la signification globale du verset, يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة المهتدون للسير على الصراط المستقيم في الدنيا. Donc la signification globale du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que ceux qui ont purifié leur adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul et qui n'ont pas mélangé leur tawhid avec quelconque forme de shirk, ceux-là seront ceux qui auront la paix, la tranquillité et la sérénité par rapport à toute chose qui peut leur faire peur ou les apeurer, et toute chose qu'ils pourraient détester au jour de la résurrection. Et ils seront ceux qui sont bien guidés également, c'est-à-dire bien guidés dans le sens qu'ils vont être sur le droit chemin dans cette dunya. Hein? Et le cheikh dit, munasabatul aya lilbab annaha dallat ala fadl at-tawhid wa takfirihi lidh-dhunub. Donc la raison de la mention de ce verset dans le chapitre en question, c'est parce que justement il indique le mérite du tawhid et ce que le tawhid vient expier comme péché ou effacer comme péché. Le cheikh explique, il dit qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset là, yani ma yustafadu min al-aya fadl at-tawhid wa thamaratihi فضل التوحيد وثمراته في الدنيا والآخرة. Donc le mérite du tawhid ainsi que ses fruits dans cette vie d'ici-bas tout comme dans l'au-delà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut tirer de ce verset, ثانيا أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. On peut dire comme deuxième point que le shirk, c'est une forme d'injustice qui vient annuler la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la détruire complètement si c'est une forme de shirk qui est majeure. Toutefois, elle vient diminuer le tawhid si c'est une forme de shirk mineure. Donc, si c'est une forme de shirk majeure, ça vient complètement annuler le tawhid et le détruire. Si c'est mineur, ça ne fait que le diminuer et donc ça le détruit pas complètement. Le cheikh il dit "An ash-shirk la yughfar." Le cheikh explique que le shirk il n'est pas pardonné. Ça c'est le troisième point. Il n'est pas pardonné, c'est-à-dire la personne qui ne s'est pas repenti du shirk avant sa mort, hein, qui ne s'est pas repenti du shirk avant sa mort et qui meurt sur le shirk, eh bien, cette personne, bien entendu, يعني elle ne sera pas pardonnée. Parce que le shirk, c'est le seul péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Hein? Comme c'est mentionné dans un autre verset qu'on va mentionner dans le cours suivant, c'est-à-dire le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk dans l'adoration avec lui, qu'on associe avec lui quoi que ce soit, mais tout autre péché qui est moindre que le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne à qui il veut. Hein? Ensuite, le point numéro 4, أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. Donc, le cheikh explique que le shirk, il cause, ou il a comme conséquence, ou comme résultat, la crainte et la peur. Celui qui commet le shirk, il vit dans la peur, dans cette dunya et dans l'au-delà. Il n'est pas en tranquillité. Ensuite, le cheikh explique le hadith qui suit dans le chapitre. An Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. Donc, le cheikh explique ici, il dit, selon Ubadat ibn Samit, radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui témoigne de la ilaha illallah, celui qui témoigne, qui dit, rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, lui seul, il n'a pas de partenaire, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager, et son serviteur et messager, et que Isa est son serviteur et messager, et une parole que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en Maryam, et une âme venant de lui, et que le paradis est véridique, et que l'enfer est véridique, ou bien que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer dans le paradis avec ce qu'il avait comme action. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le cheikh explique maintenant ce hadith. Il dit, Ubadat ibn Samit, wa huwa Ubadat ibn Samit ibn Qays al-Ansari al-Khazraji, ahadun nuqaba badriyun mashhur, tuwfiya sanata 73, tuwfiya sanata 34, walahu 72 sana. C'est-à-dire, Ubadat ibn Samit, Ubadat ibn Samit ibn Qays al-Ansari al-Khazraji, c'est un des Sahaba parmi ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Il est très célèbre, il est très connu ce Sahabi-là, Ubadat ibn Samit. Il est mort en l'an 34, hein, 34 Hijriya. Il est mort en l'an 34 après la Hijra. Et il avait l'âge de 72 ans lorsqu'il est mort. Donc, Ubadat ibn Samit, c'est lui le rapporteur de ce hadith. Et dans le hadith, on dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que celui qui témoigne de la ilaha illallah, c'est-à-dire qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Cheikh, il dit, takallama bihadhihi al-kalima, arifan bima'naha, عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. C'est-à-dire, il a prononcé cette parole avec connaissance, c'est-à-dire il connaît sa signification et il applique ce que cette parole implique. Il pratique ce qu'implique cette parole en apparence et intérieure, de façon intérieurement également. Donc, il applique cette parole intérieurement et extérieurement. et qu'il dit donc la ilaha illallah avec cette connaissance et qu'il l'applique intérieurement et extérieurement. La ilaha illallah, ça signifie quoi? Ça signifie la ma'bouda bihaqqin illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu halun mu'akkidun lil isbat. Quand on dit wahdahu, c'est pour confirmer qu'est-ce qu'on vient de dire dans la ilaha illallah. C'est pour confirmer qu'est-ce qu'on vient de dire quand on dit la ilaha illallah. Hein? Donc, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wahdahu, ça veut dire lui seul. Ça veut dire lui seul mérite d'être adoré. La sharika lah. Hein? Donc, ça c'est pour confirmer l'affirmation dans le shahada. Wahdahu. Quand tu dis wahdahu, c'est pour confirmer l'affirmation. Halun mu'akkidun lil isbat. Donc on confirme que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré. Wahdahu. Et quand on dit la sharika lah, c'est pour confirmer la négation dans le shahada. C'est la négation de, quand on dit la ilah, c'est-à-dire la sharika lah, c'est pour confirmer qu'il n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire. Et ensuite, wa anna muhammadan عبده ورسوله أن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده أي مملوكه وعبده ورسوله مرسله بشريعته مرسله بشريعته. Donc le cheikh explique que quand on dit وأن محمدا رسول عبده ورسوله, ça signifie, on témoigne que Muhammad صلى الله عليه وسلم est son esclave, hein, et son serviteur, hein, et son adorateur, et qu'il est également son messager, celui qu'il a envoyé avec sa sharia. Wa anna Isa, ay, wa shahida anna Isa ibn Maryam Abdullah wa rasuluhu khalifan lima ya'taqiduhu an-nasara annahu Allah aw ibn Allah aw thalith thalatha wa kalimatuhu أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إلى أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه مخلوقة بإذن الله عز وجل. Donc le cheikh explique ici, ensuite il dit وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى, c'est-à-dire, et je témoigne également que Isa عليه السلام, je témoigne également que Isa عليه السلام, le fils de Maryam, est également un esclave et un serviteur, hein, et un adorateur d'Allah سبحانه وتعالى, et un messager d'Allah également, envoyé par Allah سبحانه وتعالى, contrairement à ce que croient les chrétiens. Contrairement à ce que croient les chrétiens qui disent qu'il est Allah lui-même, hein, qu'il est Dieu incarné, ou bien qu'il est le Fils d'Allah, hein, ceux qui disent parmi eux qu'il est le Père et le Fils et le Saint-Esprit, les trois ensemble, hein, ou trois, un des trois parmi les trois qui forment la divinité dans la Trinité chrétienne. Donc ça c'est yani pour contredire et pour réfuter la croyance des chrétiens protestants et catholiques et toutes les autres sectes d'égarement parmi les chrétiens. Wa kalimatuhu ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun alqaha ila maryam arsala biha jibril ilayha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqa bi idhnillah azza wa jal. Donc le cheikh explique que c'est également une parole qu'il a créée, hein, c'est-à-dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Isa, Allah, c'est une parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en disant soit, hein, lorsqu'il lui a dit kun, c'est le verbe impératif, hein, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala crée. Donc il l'a créé par cette parole. C'est pour ça qu'on dit que Isa c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a, il a été créé par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le mot kun. Alqaha ila Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril vers Maryam pour insuffler en elle son âme. Hein? Son âme qui est créée par la permission d'Allah. Donc c'est une âme qu'Allah a envoyée à Maryam par l'intermédiaire de l'ange et qui est créée par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruhun ay anna Isa alayhi salam ruhun min al-arwah allati khalaqaha Allah tabarak wa ta'ala. Donc Isa également est une âme, un esprit, une âme créée par Allah subhanahu wa ta'ala, une âme parmi les âmes que Allah a créées. Minhu ay minhu yani wa ruhun minhu ay منه خلق خلقا وإيجادا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. Donc quand il dit وروح منه, c'est-à-dire une âme venant de lui ou venant de sa part, c'est-à-dire venant de lui dans le sens qu'il l'a créé, il l'a fait exister. Comme il dit par exemple dans le verset 13 dans sourate Al-Jathiyah, وروح منه. Il compare ça au verset 13 dans sourate Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il a assujetti pour vous ce qui est dans les cieux et ce qui est sur, et ce qui est sur la terre, tout cela en entier vient de lui, c'est dans le sens que c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a fait exister. Jami'an minhu, donc c'est lui qui a assujetti tout ce qui est sur les cieux et tout ce qui est dans la terre. Hein, et tout ça c'est de lui, dans le sens que ça vient de lui, dans le sens que c'est créé par lui, de la même manière que l'âme de Isa est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas comme les chrétiens qui prétendent que l'âme de Isa alayhi salam elle est divine ou d'origine divine ou que c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour clarifier, pour réfuter ça. Wal jannata haqqun wal nar haqqun ay شهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتان لا شك فيهما. Donc ça c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et il témoigne que le paradis est vérité, hein, et que l'enfer est vérité, c'est-à-dire il témoigne que le paradis et l'enfer, au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre, sont réels et qu'ils sont confirmés et il n'y a aucun de doute. C'est deux choses qui sont vraies et véridiques et qui sont affirmées et qu'on doit accepter et qu'on doit, dans lesquelles on doit croire et ne pas avoir de doute à leur sujet. Adkhalahu Allahu al-Jannah jawab al-shart al-sabiq min qawlihi man shahida ila akhirihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le fait rentrer au paradis. Et c'est la réponse par rapport à qu'est-ce qui a été mentionné au tout début, par rapport à man shahida. Le cheikh il mentionne que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit adkhalahu Allahu al-jannah, ça c'est pour compléter qu'est-ce qui a été dit au tout début. Pour expliquer tout ce qui est dit au tout début de ce hadith man shahida, c'est-à-dire celui qui témoigne de tout ce qu'on a mentionné, Allah le fait rentrer au paradis. Ala ma kana min al-amal yahtamilu ma'nayayn. Al-awwal adkhalahu Allah al-jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub, an al-muwahhid la budda lahu min dukhul al-jannah. والثاني adkhalahu Allah al-jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi 'amalihi. Donc le cheikh il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis avec ce qu'il avait comme action, ça peut impliquer deux significations. La première signification c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer au paradis même si il était déficient ou qu'il avait des manquements dans sa pratique religieuse ou même s'il avait des péchés, même s'il avait des péchés, parce que la personne qui est sur le tawhid, qui est muwahhid, c'est certain qu'il rentre au paradis tôt ou tard, soit que Allah le fasse rentrer directement au paradis, s'il a des péchés, il le pardonne, il lui fait part de sa grâce et de sa miséricorde, et il le fait rentrer directement au paradis. Ou bien, il le fait rentrer en enfer, et il le fait sortir après un certain temps, que seul Allah la connaît. Donc ça c'est pour le muwahhid, ça c'est pour la personne qui est sur le tawhid. Une autre signification qui est possible, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse rentrer également dans le paradis avec ce qu'il avait comme action, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire rentrer dans le paradis selon le degré de qu'est-ce qu'il avait, selon ses actions. Il aura un degré dans le paradis qui correspond à ce qu'il avait comme action. Donc ça c'est la deuxième possibilité par rapport à la signification de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il continue, il dit « Akhrajahu, ay, rawa hadha al-hadith al-Bukhari wa muslim fi sahihihima, alladhayni huma asahhu al-kutubi ba'da al-Qur'an. » C'est-à-dire, ils l'ont rapporté, al-Bukhari et muslim. Des fois, les ulama, quand ils mentionnent un hadith, ils ne vont pas mentionner, ils vont juste dire « Akhrajahu ». « Akhrajahu », c'est-à-dire, les deux l'ont rapporté. Et ils vont pas mentionner Al-Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que c'est connu que lorsqu'on dit que les deux l'ont rapporté, on sait tout de suite que on parle de l'imam Al-Bukhari et de l'imam Muslim, qui sont les deux livres qu'on appelle les Sahihain. Hein? Donc l'imam, le Cheikh Al-Fawzan, il dit: "Ay rawa hadha al-hadith Al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima alladhayn huma asahhu al-kutubi ba'da al-Qur'an." Donc c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih, dans leurs deux sahih, et ce sont les deux livres les plus authentiques après le Coran. Et la signification générale du hadith, le Cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam yukhbiruna mubayyinan lana fadl at-tawhid wa sharafahu أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا تجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. Donc la signification globale ou générale de ce hadith, comme le Cheikh l'explique ici, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe en nous clarifiant ou en nous expliquant le mérite du tawhid ainsi que sa noblesse ou son l'honneur du tawhid et la noblesse que le tawhid contient. Il explique que celui qui prononce les deux shahadas, c'est-à-dire shahadatayn, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, et qui dit la suite de ce qui est mentionné dans ce hadith, que Isa est Abdullah wa rasuluh, et que al-jannatu haqq wa an-naru haqq. Donc il dit ici, il prononce ce shahadatayn en connaissant leur signification et en appliquant ce que ça implique intérieurement et extérieurement, et qui s'écarte de l'exagération et du laxisme ou du manquement qu'on peut avoir vis-à-vis du droit des deux nobles prophètes, Isa alayhi salam et Muhammad alayhi salam wa sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'écarte de al-ifrat et al-tafrit, dans le sens qu'il y en a qui exagèrent à propos des prophètes et qui les élèvent au niveau d'une divinité, comme font les chrétiens et comme font certains parmi les soufiyins qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ceux qui font preuve de laxisme vis-à-vis du prophète Isa et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que ils accusent Isa comme les juifs qui ne croient pas en Isa alayhi salam et qui l'accusent de choses graves, ou bien ceux qui, parmi les juifs et les autres koufars, ne reconnaissent pas la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça fait partie de cette catégorie-là. Donc on doit être entre ces deux extrêmes-là, c'est-à-dire on ne tombe pas dans l'exagération, puis on ne tombe pas non plus dans le fait de nier ou de rejeter un des droits de ces deux prophètes-là, et qu'on affirme qu'ils sont des messagers, qu'ils ont une prophétie, qu'ils ont reçu un message, et qu'en même temps ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils n'ont aucune part de la souveraineté et des attributs de divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui par la suite, après avoir témoigné de ça, il est certain que le paradis et que l'enfer sont des choses réelles et véridiques, et que donc celui qui témoigne de tout ça de cette manière là alors sa conclusion et sa destination finale sera le paradis, même si il a commis certains péchés qui sont en dessous du degré du shirk. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. Donc la raison pour laquelle on mentionne, le cheikh a mentionné ce hadith là dans ce chapitre, c'est parce que ça explique le mérite du tawhid, et que c'est une cause parmi les causes de ce qui fait rentrer au paradis. Hein, c'est la cause principale de ce qui fait rentrer au paradis, même en réalité. Donc le tawhid, c'est la base, hein, c'est la cause principale pour faire rentrer quelqu'un au paradis, et également c'est quelque chose qui fait en sorte que les péchés sont effacés et expiés. Le cheikh, il mentionne les bienfaits maintenant et les points qui peuvent être extraits de ce chapitre. Il dit ما يستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. Premièrement, le mérite du tawhid est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala peut expier les péchés par ce tawhid. Deuxième point, سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى. Deuxième point, c'est la largesse de la grâce et des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bonté. Troisièmement, ثالثا وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنسرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. Donc le cheikh explique ici, il dit l'obligation de s'écarter de l'exagération et de l'extrémisme, hein, ou de l'accès dans le droit qui revient aux prophètes et aux pieux. Il dit ici, c'est-à-dire qu'on ne nie pas leur mérite, et on ne nie pas ce qui leur revient comme mérite, et on n'exagère pas non plus à leur sujet en leur offrant quelconque forme d'adoration. Car l'adoration, c'est un droit qui revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et on sait que il y a parmi les ignorants et les égarés des gens qui font ça malheureusement, hein? Qui tombent dans une de ces deux extrêmes là, un de ces deux extrêmes. Soit ils nient un des droits ou un des mérites qui reviennent aux prophètes, ou bien ils tombent dans l'exagération et ils adorent les prophètes et les messagers. Et les deux sont des extrêmes et des formes d'égarement et de mécréance. Quatrièmement, أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. Donc le cheikh il dit ici que la aqida du tawhid, elle contredit toutes les religions de kufr qui sont présentes aujourd'hui. Hein, elle contredit toutes les religions de kufr qui sont présentes aujourd'hui, comme le judaïsme, le christianisme, les religions des idolâtres, des païens et des athées. Donc l'islam est venu avec la aqida du tawhid qui vient opposer toutes ces fausses croyances et toutes ces religions de kufr et ces fausses religions. Cinquièmement, أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. Hein, un autre point également, cinquième point qu'on peut comprendre par rapport à ce hadith, c'est que les pécheurs parmi les gens qui sont sur le tawhid ne vont jamais demeurer éternellement en enfer. Ils ne vont pas rester en enfer éternellement même s'ils y rentrent. le cheikh dit ensuite ولهما في حديث عتبان في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc ça c'est un autre hadith qui est mentionné dans le chapitre et ça dit que c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim encore selon Utban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a interdit l'enfer à quiconque dit la ilaha illallah, à quiconque dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et qui le dit en recherchant ou en voulant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui le dit avec sincérité et pureté dans son intention. Donc le cheikh il explique maintenant, il dit que Utban huwa Utban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari من بني سالم من بني سالم بن عوف صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. Donc il dit que Utban, il s'appelle Utban ibn Malik ibn Amr ibn al-Ajlan al-Ansari, il fait partie de la tribu de Salim ibn Auf, des enfants de Salim ibn Auf. C'est un sahabi très célèbre et il est mort durant le khilafa de Muawiyah radiallahu anhu. Ensuite, le cheikh il dit Walahuma, yani quand l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit Walahuma, c'est-à-dire Ay, Rawa al-Bukhari wa Muslimun fi sahihihima hadha al-hadith bi kamalihi. Wahada tarafun minhu. Donc, il dit que, en fait, ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Hein, c'est pour ça qu'il dit, Walahuma, c'est-à-dire, et ils ont tous les deux également rapporté ce hadith, le hadith de Utban. Et il dit qu'ils l'ont rapporté en entier, et ça, c'est une partie de ce hadith-là. Donc, le hadith, il est plus long, en réalité, mais ça, c'est une partie du hadith. Et parfois, le cheikh, il mentionne seulement une partie du hadith, parce que c'est dans cette partie-là qu'il y a la preuve hein, qu'il désire montrer, et qu'il y a c'est dans cette partie-là où il y a le point qui est intéressant par rapport au sujet qu'il explique. Donc, le hadith, il dit « فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ التَّحْرِيمَ الْمَنْعُ أي منع النار أن تمسه يبتغي بذلك وجه الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram le feu pour cette personne qui témoigne de la ilaha illallah, qu'est-ce qu'on veut dire ici par harrama? Hein, on veut dire le fait d'interdire dans le sens d'empêcher que le feu le touche. C'est ça que ça veut dire. Donc, at-tahrim, ça signifie d'empêcher ici. D'empêcher que le feu le touche. Et quand on dit yabtari bizalika wajh Allah, c'est-à-dire quand il le dit, il recherche uniquement par cela le visage d'Allah, il le dit avec sincérité et pureté dans son cœur. Hein, et il meurt sur cela, c'est-à-dire il meurt sur cette sincérité-là et sur cette pureté et sur ce tawhid. Il ne l'a pas dit de façon hypocrite, nifaqan. Donc la signification, et ensuite le cheikh il parle de la signification générale du hadith. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith anna al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam yukhbiru khabaran mu'akkadan anna man talaffadha bi kalimati la ilaha illallah قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفى الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une manière certaine ici, parce qu'il dit فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ. Donc il le dit d'une manière confirmée et certaine que celui qui prononce la parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que son intention yani, c'est de d'établir ce que cette parole-là implique comme pureté, yani, il dit qasidan ma tadullu alayhi min al-ikhlas wa nafy ash-shirk, c'est-à-dire il dit cette parole avec l'intention d'appliquer ce que cette parole indique comme pureté dans l'adoration et négation de toute forme de shirk, et qu'il l'applique. Il applique ce que ça signifie intérieurement dans son cœur et extérieurement dans ses paroles et dans ses actions, et qu'il meure dans cet état-là, que le feu ne le touchera pas au jour de la résurrection. Donc ça c'est la signification générale ou globale de ce hadith. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. Donc on peut le cheikh il explique la raison pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, hein, la circonstance qui fait que ce hadith est mentionné là, c'est le fait que on voit dans ce hadith une preuve claire du mérite du tawhid, et que ça fait en sorte que la personne qui meurt sur le tawhid est sauvée de l'enfer, et que ça vient expier ses péchés et ses fautes. Ensuite le cheikh dit ma yustafadu min al hadith, qu'est-ce qu'on peut extraire comme profit ou comme bienfait ou comme point bénéfique de ce hadith. Le point numéro 1, فضل التوحيد وأنه ينقذ من النار ويكفر من ويكفر الخطايا. Donc le mérite du tawhid, ça c'est un des points qui est mentionné. Le premier point c'est que le hadith montre le mérite du tawhid, et il montre également que ينقذ من النار, il sauve de l'enfer et il expie les péchés et les fautes. Le deuxième point, أنه لا يكفي في الإيمان أن نطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. Donc il dit le cheikh que c'est pas suffisant dans la foi seulement de prononcer la parole sans y croire avec le cœur, contrairement à l'état des hypocrites, des munafiqin. Donc il ne faut pas juste dire yani, dans la foi c'est pas suffisant juste de prononcer la ilaha illallah, mais il faut y croire réellement avec le cœur. Thalithan, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqad min ghayr nutqin ka hal al-jahidin. Donc on a la preuve ici dans également un des points qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'il n'est pas suffisant seulement non plus d'avoir la foi dans le cœur par rapport à cette parole-là sans l'avoir prononcée, sans avoir prononcé cette parole. C'est-à-dire, c'est pas suffisant juste de dire j'y crois avec le cœur, il faut la prononcer avec la langue aussi. Et le dire, c'est-à-dire, il faut dire la ilaha illallah avec la langue. Il faut le prononcer, contrairement à l'état des négateurs, les gens qui rejettent, qui nient la ilaha illallah et qui refusent de le dire. Rabi'an, تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'enfer aux gens qui sont sur le tawhid et qui ont un tawhid qui est complet et parfait. خامسا, cinquième point, أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cinquièmement, on peut dire que l'acte ne sera bénéfique que si elle est faite avec sincérité pour le visage d'Allah, et qu'elle est faite en accord avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est les conditions pour que Allah accepte nos œuvres. Qu'elles soient faites avec pureté d'intention, et qu'elles soient faites purement pour le visage d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, khalisan, le premier c'est khalisan, et le deuxième c'est sawaban, c'est-à-dire qu'elles soient faites selon la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon sa sharia. Sixième condition, أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور أو عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. Donc le cheikh il mentionne comme sixième bienfait ou sixième point que celui qui dit la ilaha illallah alors qu'il invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Alors ça ne lui sera d'aucun bienfait. Le fait de dire la ilaha illallah, ça ne lui servira à rien. Hein? C'est-à-dire celui qui dit la ilaha illallah et qu'il invoque en même temps d'autres que Allah ou qui commet du shirk, son témoignage de la ilaha illallah ne sera d'aucune utilité pour lui, comme l'état des gens qui adorent les tombes aujourd'hui dans les pays musulmans et qui se disent musulmans. Les gens qui adorent les tombes aujourd'hui et qui disent la ilaha illallah, hein, tout en invoquant les morts et en cherchant à se rapprocher des morts. Donc ceux qui font ça, le témoignage de la ilaha illallah ne leur servira à rien au jour de la résurrection. Et sabi'an, isbatul wajhi lillah. Hein, isbatul wajhi lillah ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Septième point, parmi les bienfaits de ce hadith, ou les points qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que, on peut affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. On affirme que Allah a un visage, et que ce visage, il correspond et il convient à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qu'il n'est pas comparable à celui des créatures. Donc ça, c'est un autre point qui est tiré de ce hadith. Ensuite, il y a un autre hadith qui est mentionné, qui est le hadith de yani Abu Sa'id al-Khudri, et qui est un hadith assez long. Donc le charh de ce hadith est assez, assez long. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera donc demain, bi'idhnillah, l'explication de Kitab al-Tawhid, le résumé du Sharh, avec le hadith de Abu Sa'id al-Khudri dans ce deuxième chapitre, inshallah, demain bi'idhnillah. Donc on s'arrête ici. Inshallah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.